Question, tu m'entends? M'a filé ses codes. Ouais, sympa. C'est un couple de lesbiennes en bas. J'ai la cote, je pense. C'est la grosse merde en fait.